Rose Rosier par Henri Gréville, tome 1er, chapitre 1er. La lune éclairait si vivement la façade du théâtre de Chartres que les becs de gaz honteux semblaient amoindrir tout exprès leur lueur jaunâtre. Le premier spectateur qui sortit, presque en courant, ainsi que le fait volontiers un homme qui restait assis pendant plusieurs heures sur une banquette peu moelleuse, leva le nez en l'air et s'écria « Oh la belle lune ! On se croirait en plein jour !» La foule qui le suivait, non sans se bousculer un peu, mais paisiblement, avec une aimable bonhomie, répéta ce cri du cœur sur une multitude d'intonations variées. Puis les promeneurs se dispersèrent sur les boulevards spacieux, qui pour l'instant prirent un aspect populeux et vivant propre à les étonner eux-mêmes. Le gaz du théâtre, se trouvant sans doute suffisamment humilié, disparut soudain. Les habitants de Chartres, séduits par la magie de cette nuit douce et claire, rentrèrent chez eux lentement et comme à regret. Ah, s'il n'avait pas fallu se lever de bonne heure le lendemain, comme on aurait flâné sous les arbres encore presque dépouillés de verdure, en respirant l'odeur des bourgeons de peupliers qu'apportait une haleine insensible de vent. Quelques promeneurs, moins fanatiques de sommeil que les autres, se laissèrent aller à une petite débauche de noctambulisme, arpentant le boulevard tout en causant avec animation, et retournant sur leurs pas dès qu'ils se trouvaient rapprochés des rues étroites et noires de la vieille cité. « Vous avez beau dire, » fit Marcel Brun en s'arrêtant brusquement, « Balbine n'est pas mal dans ce rôle, mais Mademoiselle Florimond était mieux. Par exemple, » s'écria sa femme, « voilà une idée baroque. Mademoiselle Florimond avait l'air d'une folle. Hé hé !» fit le troisième promeneur. « C'était assez dans l'esprit de la plupart de ses rôles. » Madame Brun haussa les épaules et murmura quelques mots au sujet de la bêtise des hommes, qui, etc. « Et toi ?» demanda Marcel à son voisin juste, qui ne parlait guère et marchait d'un air pensif, en regardant les ombres des arbres projetées sur le gravier par la lumière éclatante de la lune. « Pour moi, » répondit-il sans relever la tête, « je pense que jamais personne n'a joué ni ne jouera à la closerie des genêts comme cette pauvre Rose Rosier. « Oh, celle-là !» dit Marcel Brun, « elle était inimitable. » Madame Brun fit un mouvement d'humeur. « Ma femme ne pouvait pas la souffrir, » reprit Brun, « mais c'était fort naturel. Ici, les hommes ne juraient que par elle. Les dames, au contraire, l'avaient en horreur. Une dévergondée, » murmura Madame Brun. « Comme on écrit l'histoire, » riposta Langlois avec une pointe de malice. « C'est une très honnête fille. Seulement, elle avait un je ne sais quoi qui mette le feu à toute une salle, n'est-ce pas, juste ?» Le jeune ingénieur fit un signe affirmatif et pressa un peu le pas. « Rentrons, » dit sèchement Malin Brun. « Il est horriblement tard. Bonsoir, messieurs. » Comme pour lui donner raison, l'horloge de la cathédrale sonna minuit. Les coups de cloche égaux et sonores s'envolèrent dans l'espace, loin, bien loin, au-dessus des campagnes endormies. « Qu'est-elle devenue? Elle est morte, n'est-ce pas ?» fit tout à coup juste, comme au sortir d'un rêve. « Qui ? Rose ?»« Bonsoir. » dit hâtivement Marcel, que sa femme tirait par le bras. Juste et Langlois restèrent seuls sur le boulevard. Le second suivit des yeux la silhouette du couple qui s'éloignait. « Tu as fait un impair, » dit-il à son ami, resté rêveur. « Moi, comment ? C'est bien sans le savoir. Parbleu ! As-tu connu quelqu'un qui fit des impairs pour son plaisir ? Mais tu ignores donc, imprudent, qu'il ne faut pas parler de Rose devant Madame Brun. Pourquoi ? Fit innocemment le jeune homme. Parce qu'elle s'est figurée, à tort ou à raison, et je suis convaincu que c'est à tort, que son mari a été amoureux de Rose Rosier. Il n'y aurait là rien d'étonnant, dit juste d'une voix lente et comme endormie. Langlois le regarda avec une certaine curiosité. Mais, continua le jeune homme en se réveillant, qu'est-ce que cela peut faire puisqu'elle est morte ? Langlois lui prit le bras. Elle n'est pas morte, dit-il en baissant la voix. Juste tressaillit et s'arrêta. Elle vit ? Elle a survécu à l'horrible accident ? Parfaitement. Elle est presque guérie. Guérie, où est-elle ? Langlois regarda tout autour d'eux et, bien qu'il fût seul, baissa encore la voix pour dire « Elle est ici ». Juste André ne fit pas de mouvement apparent, mais son ami, qui lui tenait le bras, ressentit le contre-coup d'une émotion intérieure et regretta sa confidence. « Comment se fait-il, demanda l'ingénieur, qu'elle soit ici, que personne n'en sache rien ? Que les journaux aient annoncé sa mort, qu'on ne s'occupe plus d'elle. Trop de questions, mon ami. Une à la fois, s'il te plaît. Elle est ici parce que je l'ai ramenée après l'événement de Tours. Toi ? Personnellement, on n'en sait rien, parce que je ne l'ai pas dit, et qu'elle porte le nom de sa mère, son vrai nom, Madeleine Sorel. On ne l'a pas reconnue parce qu'elle ne sort pas. Les journaux ont annoncé sa mort, parce qu'il faut bien dire quelque chose, et qu'après l'horrible catastrophe qui l'avait blessée, il était absolument convenable et de tout point décent qu'elle fût morte et enterrée. D'ailleurs, c'est elle qui l'a désirée. Rose Rosier est morte, a-t-elle dit. Moi, je suis convaincue qu'elle ressuscitera. Elle est guérie, dis-tu? Presque tout à fait. Pas à changer? Oui et non. Les deux hommes marchèrent silencieusement côte à côte. Tu l'aimes? Dit tout à coup Juste à son ami. Moi, y penses-tu, un homme marié? Mais, insista le jeune ingénieur, pour avoir été la chercher, l'avoir amenée, guérie. Un cas curieux, affaire médicale, dit froidement le jeune médecin. Ils étaient descendus vers les faubourgs et marchaient sur la route qui longe les rivières et fait le tour de l'ancienne enceinte. Ta femme le sait-elle? Demanda Juste André en regardant loin les peupliers noyés dans la douce lumière et qui paraissaient des ombres de peupliers gris et transparents dans la légère buée qui s'élevait des terres fraîchement labourées. Non, répondit Langlois, et je te demanderai même de ne pas lui en parler. Les jeunes femmes sont parfois disposées à se créer des chimères. C'est là qu'elle demeure, reprit-il en indiquant une maisonnette dont on ne voyait que deux fenêtres perdues dans la verdure au fond d'un jardinet peigné par l'eau paresseuse. Me permettras-tu de la voir? Demanda Juste d'une voix, à son insu, suppliante. Je l'ai crue morte. Si tu savais comme c'est étrange de penser qu'une personne qu'on a crue morte est vivante, qu'on peut la voir, lui parler. C'est très curieux, sais-tu? Il y a là un petit ragoût de l'autre monde. Il plaisantait, mais sa voix tremblait légèrement. Je n'ai pas le droit, dit Langlois d'un ton sec, de la clore du monde des vivants. Je n'ai aucun droit. Pas l'ombre d'un droit, tu m'entends, André? Rose est libre de recevoir qui lui plaît. Fais-lui passer ta carte. Juste baissa la tête comme un enfant qui reçoit à la fois un présent et une réprimande. Mais si cela te contrarie, dit-il en hésitant. Me contrarier, en quoi? La seule chose qui peut me contrarier serait que ma femme a pris ces choses par un autre que par moi. Te voici chez toi. Bonsoir, mon cher. Il serra la main de son ami et s'en alla d'un pas décidé qui résonna sur le pavé raboteux. Juste le suivit du regard jusqu'à ce qu'il eût disparu, puis entra dans la maison endormie que la lune éclairait doucement. Il marcha vers la fenêtre de sa chambre, l'ouvrit et regarda longtemps le paysage tranquille avec une joie nouvelle qui lui étreignait doucement le cœur. « Ô jeunesse, dit-il, ô printemps, la vie est claire et lumineuse comme cette nuit magnifique et j'ai 25 ans depuis hier. » Il se jeta sur un canapé et resta plongé dans une sorte d'ivresse, sans souci des heures que lui chantait la cathédrale.